Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisiere.fr. La science CQFD, Natacha Triou. Au panthéon des films cultes, Terminator, le premier opus sorti en 1984, fête ses 40 ans. Pourquoi sa réflexion sur l'intelligence artificielle fait-elle encore écho aujourd'hui ? Si l'œuvre de James Cameron est si culte, c'est parce qu'elle porte à l'écran un grand nombre de fantasmes et de paranoïa. L'apocalypse nucléaire, la fin de l'humanité, le voyage dans le temps et l'éveil d'une IA qui se retournerait contre ses créateurs. En 6 films, la franchise interroge aussi la limite entre l'humain et la machine, avec au fil de la saga un T-800 qui s'humanise au point d'être capable de sourire, de ne plus avoir de mission et qui finit par boire des bières. Terminator, 40 ans, toujours pucé. Laurence Arfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste, notamment co-scénariste du film Mars Express avec Jérémy Perrin. Mehdi Achouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en cinéma anglophone et études américaines à l'université Sorbonne Paris Nord et l'auteur de la thèse « L'utopisme technologique dans la SF hollywoodienne 1982-2010 ». Et Rodolphe Gélin, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert leader en intelligence artificielle chez Renault Group, anciennement roboticien, directeur de recherche chez SoftBank Robotics et l'auteur de l'ouvrage « Dernière nouvelle de l'intelligence artificielle » paru chez Flammarion en 2022. Merci à vous trois d'être là, d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur notre fil @sciencesqfd. Notre live tweet commence tout de suite. Alors, quelle est l'influence de ce film sur nos imaginaires et sur la science-fiction ? Le T-800 est-il plutôt cyborg ou plutôt robot ? Comment la franchise s'empare-t-elle de la question de l'IA et de son essor ? Et finalement, doit-on avoir peur du Terminator ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par écouter le témoignage du T-800 en personne. C'est notre archive du jour. When I was hired to do Terminator... Quand j'ai été engagé pour Terminator, peut-être que les producteurs de l'époque raconteraient l'histoire différemment, qu'ils diraient « je vous l'avais bien dit que ça cartonnerait ». Mais en réalité, je pense qu'ils nous ont traités comme un film de série B. Comme un film d'action de série B. Mais lorsque j'ai tourné le film et que James Cameron m'a montré quelques séquences, puis lorsqu'il a fait un montage de 20 minutes et que j'ai vu le film, je me suis dit, attends une seconde, c'est vraiment intense, c'est incroyable. Je pense pas avoir déjà vu quelque chose comme ça auparavant. La façon dont le film a été tourné, éclairé, dirigé, écrit, tout, c'était vraiment très très spécial. Je me suis dit à ce moment que ça pourrait prendre une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas. Et bien sûr, quand le film est sorti, il a eu un énorme succès. Le magazine Time l'a même classé parmi les 10 meilleurs films de l'année. Voilà la naissance du mythe Schwarzy avec la voix d'Arnold Schwarzenegger en 2021. Laurence Arfati, il y a eu un avant et un après Terminator. Enfin, moi, j'avais 15 ans, j'étais joueur de jeux de rôle, j'étais avec tous mes copains de la bande des geeks, et puis voilà, c'était l'événement quand on allait voir le film, et on savait qu'on allait voir un truc qui allait nous donner une claque, mais effectivement, ça a changé nos vies à tous. Rodolphe Gélin, votre point de vue, vous aussi, vous êtes jeune roboticien, quel effet a eu ce film sur vous? C'était en effet très très sympa parce qu'on voyait des choses qui faisaient référence au monde de l'informatique, donc on voyait que c'était très bien documenté en fait, et avec des exagérations pour que ça soit un film qui soit rigolo à regarder. Mais en effet, c'était un film de science-fiction qui nous a mis une claque, quoi. Moi, je lisais Métal Hurlant et ils étaient comme des fous avec ce film-là. Donc, on était tous impatients d'aller voir ça. Mehdi Achouche. Oui, bah pareil, moi c'est plutôt le deuxième par contre que j'ai découvert au cinéma en 91 et ça a été une immense claque également, il y a un avant-après Terminator 2 en ce qui me concerne. Et le film a beaucoup marqué aussi parce que autant le premier était très effrayant, il a des côtés films d'horreur parfois, une scène ou deux, autant le deuxième, eh bien le cyborg devient positif, devient un allié des héros parce qu'il a été reprogrammé. Et ça m'a beaucoup marqué, cette idée qu'on peut reprogrammer la technologie et en faire notre allié. Alors on entendait Arnold Schwarzenegger, pour l'anecdote, il devait jouer Kyle Reese, mais pour James Cameron, ça ne faisait pas de doute, hein. C'était lui, l'homme-machine. On présente aussi souvent Terminator comme le premier film de James Cameron, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il a d'abord réalisé Piranha 2, Les Tueurs Volants, un remake plutôt désastreux. Mehdi Achouche, comment est né Terminator ? Bah, Terminator, surtout en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme James Cameron, en fait, c'est le produit des années 70. Il a beau être sorti en 1984, c'est un film des années 70, époque où le thème de l'opposition à la machine, au robot, est principal et le cœur de ce cinéma de science-fiction. Donc, de 2001, l'Odyssée de l'espace, à beaucoup d'autres films, Le cerveau d'acier, Westworld, L'âge de cristal. Donc, c'est très binaire, c'est très manichéen, c'est l'homme contre la machine, c'est le désastre nucléaire provoqué parfois même par l'intelligence artificielle, par les super ordinateurs, comme on les appelait autrefois. Et donc, Terminator, c'est vraiment le film qui vient parachever finalement ce cycle-là avec Cameron, donc puis son inspiration dans les années 70, qui sont ces années de formation de jeunes cinéastes. Laurent Sarfati. Quand j'entends Westworld, instantanément, je me dis, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu l'original, le film avec Yul Brynner, c'est immanquable, même aujourd'hui. Et effectivement, c'est le pré-Terminator. Ouais. C'est même Yul Brynner et le premier Terminator. Complètement. Sur la genèse, la légende raconte, hein, mars 1982, une nuit à Rome, fiévreux, James Cameron rêve de cette idée, un squelette métallique coupé en deux, un couteau de cuisine à la main, sortant des flammes, il se lance dans l'écriture du scénario, mais faute de moyens, l'action va se dérouler justement dans les années 1980, Mehdi Achouche. Oui, alors c'est une belle histoire, mais quand même, il faut souligner que James Cameron a été en partie critiqué, parce qu'il a des inspirations qui n'ont pas été tout de suite reconnues. On peut citer Cyborg 2087, qui est un film de 1966, dans lequel on a un cyborg du futur qui remonte le temps en 1966 pour empêcher un scientifique d'avoir une invention qui va changer l'histoire. Donc c'est une histoire assez similaire. Et puis il y a Harlan Ellison, bien sûr, grand auteur de science-fiction, qui a porté plainte contre Cameron et qui l'a accusé de plagiat. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit son nom apparaître au générique, on reconnaît officiellement l'influence d'Ellison. Laurent Sarfati. Alors là, c'est le scénariste qui parle. Quand on écrit une histoire, l'ensemble des choses qu'on a vues, ou même pas forcément qu'on a vues, mais que des gens qu'on fréquente ont vues, vont nous influencer. Et d'ailleurs, on pourra revenir là-dessus sur... on parle des IA et on dit, oui, les IA ne font que recycler ce que les humains ont fait. Et ben nous, les scénaristes, on fait ça. Donc le problème est plus compliqué que ça. Et moi, je suis convaincu que James Cameron est parfaitement sincère quand il dit j'ai pas du tout copié ce monsieur. D'ailleurs, il dit que le deal qui a été fait par sa maison de production était désastreux et qu'il veut rien avoir avec ça. Et il a cité c'est les films qui, eux, lui, l'ont influencé. Et c'est principalement Mad Max 2 et deux épisodes d'Au-delà du réel. Ouais. Et écrit par Harlan Ellison, justement. Au moins un, Soldier. Peut-être, ouais. Alors, je crois que c'est lui, il parle de la main de cristal. Oui, ouais. Très bel épisode. Voilà, on voit que les thématiques abordées par Cameron sont donc en effet années 60, 70, mais côté robotique et intelligence artificielle, Rodolphe Gélin, en 1984, on en est où? Quelle est l'inspiration aussi de James Cameron de ce côté-là? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, l'intelligence artificielle, elle est assez balbutiante. On n'avait pas toute la puissance de calcul qui permet aujourd'hui de faire tout ce qu'on voit avec les chats GPT et autres, et même en termes de traitement d'image, de reconnaissance de l'environnement, on en était quand même assez loin de tout ça. Donc c'était une projection, mais qui s'est pas beaucoup trompée, en fait, enfin sur pas mal de sujets. Et c'était une projection, et en ce sens, c'était très intéressant. Un peu, d'ailleurs, ce qu'on retrouve aussi dans le film Her, qui est une projection beaucoup de choses que on veut faire depuis un moment, et quand on voit que les gens... Alors forcément, les gens du cinéma, ils y arrivent toujours avant les scientifiques, c'est pas juste. mais voilà, donc c'était très très bien vu, et c'était largement au-dessus de ce qu'on savait faire à l'époque. Par rapport justement à 1984, dans le premier film, on a aussi le point de vue du T-800, on fait face quand même un peu à des images de jeux vidéo, Laurent Sarfati. Ça c'était mon premier métier. J'ai été testeur de jeux vidéo pendant 10 ans. Et effectivement, quand on voit Terminator, c'est un jeu vidéo. Et j'ai été curieux. Je suis allé regarder combien de jeux vidéo ont été tirés de la licence Terminator. Et bon, beaucoup plus qu'il n'y a déjà de films. J'ai pas été capable d'en identifier un seul qui vaille le coup d'être joué. Mehdi Achouche. Oui, dans Westworld, justement, on a également des plans subjectifs du robot, du cyborg, qui voit le monde, donc on voit le monde à travers les yeux du cyborg, et c'est complètement inhumain, et ça ressemble beaucoup à l'infographie qu'on a dans Terminator, donc c'est une influence esthétique également. Bien sûr. Rodolphe Génin ? Oui, on voit, moi j'adore les menus déroulants qu'on voit dans les yeux de cyborg, et ça c'est, voilà, c'est à la fois nul, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la tête d'une machine, enfin dans le cerveau d'une machine, mais c'est en même temps génial, parce qu'on voit tout de suite que c'est quand même programmé, informatisé, donc c'est une trouvaille cinématographique, je trouve, qui est vraiment bien pour montrer que c'est une programmation, des choix qui sont faits. Enfin, c'est un très très bon rendu, je trouve, cinématographique. Et j'ai même découvert que c'est un métier, en fait, dans le cinéma. Des gens qui ne font que ça toute la journée, ils font des fausses interfaces. Et en fonction de la demande, alors est-ce que c'est dans la tête d'un robot, est-ce que c'est dans la tête de quelqu'un du futur qui est interfacé, ou est-ce que c'est sur un ordinateur? Et ils passent leur journée à faire de fausses interfaces. En tout cas, cette licence va être déclinée des milliers de fois en jeux vidéo. Côté franchise, la saga, ça représente quand même 6 films, Mehdi Achouche. Oui, c'est 6 films, et ce qui est passionnant dans ces 6 films, donc c'est de 84 à 2019 pour le dernier en date, c'est l'évolution. Il y a une vraie évolution des différents personnages, et notamment du Terminator, des différents Terminators, et donc des cyborgs, de la figure du cyborg, qui, on commence avec un soi-disant cyborg, qui finalement est un androïde qui se dissimule sous une apparence humaine, à des cyborgs beaucoup plus réels, beaucoup plus authentiques et beaucoup plus intéressants pour ce cinéma. Donc c'est passionnant de voir l'évolution, parce que c'est finalement l'évolution de la société, de nos perceptions de la robotique de 84 à 2019. Laurent Sarfati. L'évolution est beaucoup plus intéressante que les films eux-mêmes. Malheureusement, c'est une de ces licences qui commence très très bien et qui ne fait que se dégrader. Alors j'ai des petits espoirs, il paraît qu'il y a quelque chose qui doit sortir cette année, Terminator, Rise of Skynet, je crois. Et bon, visiblement, il y a de bons échos. Bon, alors on espère qu'on va se redresser. Il y aurait même un 7e film peut-être en préparation à James Cameron en décembre 2022, a dit, c'est en discussion, mais rien n'a encore été décidé. Pour revenir un peu justement aussi sur cet univers science-fictionnesque de James Cameron, bon, il est quand même donc l'auteur du diptyque Terminator, Alien en 86, Abyss en 89, plus récemment Avatar. Que sait-on justement pour son amour de la science-fiction? Comment cette culture, elle s'est forgée, Mehdi Achouche? Elle s'est forgée comme beaucoup d'entre nous. Il a découvert très tôt, enfant, adolescent, la littérature de science-fiction, et donc c'est avant tout un passionné de science-fiction avant de devenir cinéaste. Donc il commence, comme moi j'ai commencé, comme on a tous commencé, par les grands classiques de littérature qui le font rêver. Laurent Sarfati. Je crois que son père était ingénieur en électricité, et donc ça vient pas de nulle part. Monsieur, peut-être que vos enfants feront des beaux films de science-fiction. Et du coup, par curiosité, je suis allé voir son tout premier film, qui est un court-métrage, je sais pas si t'as vu ça, Xenogenesis. Ouais, ouais. Et c'est incroyable comment on retrouve à la fois Terminator et à la fois, parce que c'est Aliens qu'il a fait, la suite d'Alien, un des combats qui a lieu dans Aliens entre Sigourney Weaver et la reine des aliens. Et vraiment, on voit qu'il a déjà ces images dans la tête bien des années avant qu'il soit ce maestro qu'il est aujourd'hui. Xenogenesis, en effet, court-métrage de 12 minutes en 1978. On vient de vous poster le lien sur notre fil Twitter. Alors, comment évolue le T-800 au fur et à mesure de cette saga? Quels critères marquent la séparation entre l'homme et le cyborg? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. Sarah Connor. Oui. En direct sur France Culture avec Laurent Sarfati, Mehdi Achouche, Rodolphe Gélin, on fête les 40 ans de Terminator. On vient de parler de la genèse de ce film culte de la SF. Ouvrons maintenant un peu le capot. En 1984, un cyborg T-800 qui nous vient de l'an 2029 arrive à Los Angeles à la recherche d'une femme, Sarah Connor, la future mère de John Connor, le leader de la résistance contre la rébellion des machines. Laurent Sarfati, côté scénario, côté surtout plausibilité scientifique, que peut-on dire de ces deux premiers opus ? Alors moi, c'est le scénario. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, c'est un coup de génie absolu. C'est très difficile d'écrire une histoire qui se tienne avec des histoires de boucles temporelles, de voyages dans le temps. Déjà, ça c'est infernal de faire quelque chose qui soit pas grotesque ou qui se morde la queue. Et de l'autre côté, voilà, il y a toute une galerie de personnages géniaux, le personnage de Sarah Connor qui est une fille un peu cruche, qui est serveuse et qui cherche l'amour et qui se découvre que elle est destinée à former le sauveur de l'humanité au survivalisme alors que c'est pas du tout son ADN. Et puis Kyle, ce chevalier du futur qui vient pour lui sauver la vie. J'ai pas envie de trop spoiler parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pas vu le film, mais bon, c'est très très très bien écrit. Média Chouche. Oui, le film, il est parfait, effectivement, du début à la fin. Je pense que tous les plans, toutes les scènes, elles ont leur place. C'est un film qui est très maîtrisé, qui sait où il va, et qui est parfaitement cohérent, qui est parfaitement raccord avec le cinéma de l'époque, comme je disais, avec le cinéma des années 70. Donc c'est vraiment le... James Cameron, il a tout compris, quoi. Et donc il perfectionne, finalement, ce cycle du genre homme contre la machine. Donc de ce point de vue-là, c'est parfait. Mais Rodolphe Gélin, vous aussi, votre point de vue de roboticien sur ce... Alors j'aimerais bien qu'en 2029, on sache faire le voyage dans le temps. Et des robots comme c'est ça, pour bientôt. Il va falloir se dépêcher, parce que on en est assez loin, en revanche. Hein. Donc là, Alors la fin du monde est en 1997, hein. Bon, on a le temps de revenir en arrière pour voir ça. Voilà. La fin du monde a déjà eu lieu. Côté justement cohérence dans le film, est-ce qu'il y a des choses qui semblent clocher à vos yeux, Laurent Sarfati? Ouais, alors même quand j'étais gamin à 15 ans, moi ça m'a vraiment embêté que pour voyager dans le temps, on soit obligé d'être couvert de peau et non pas d'ailleurs entièrement organique. Ça justifie sûrement une idée de scène qu'avait eu Cameron les voyageurs du futur apparaissent nus dans une sphère de lumière au milieu de la rue. Le robot, il est couvert de peau à l'intérieur. Il a un squelette métallique, donc c'est bizarre quand même que ça passe pas. Et l'astuce, je pense que c'est que Cameron s'est dit, ce serait plus marrant qu'il n'arrive pas avec des armes du futur et que les combats aient lieu avec des armes d'aujourd'hui. Je pense que c'est... Et du coup, il est obligé de poser cette règle qui va rester dans tous les épisodes de Terminator et qui est un peu ridicule. Mehdi Achouche. Ouais, je pense aussi que la raison d'être de ça, c'est aussi qu'il faut exposer le corps d'Arnold Schwarzenegger. Parce que c'est ça, la technologie au centre du film, c'est son corps. C'est vrai. Qu'on va exposer encore et encore dans les Terminator et d'autres films, c'est les années 80. Donc c'est Stallone, c'est Schwarzenegger, c'est d'autres acteurs, c'est Jean-Claude Van Damme, et on adore voir leur torse, on adore voir leur corps bodybuildé, et une fascination pour ce corps, hein. C'est un retour un peu du virilisme quelque part sur le devant de la scène, et Terminator pour ça c'est une étape cruciale. Rodolphe Gélin. Alors c'est pas mal de faire des robots assez gros, parce qu'on peut mettre plus de hardware dedans, quoi. Quand il faut faire des robots tout minces, on a essayé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est sans doute pas pour ça qu'ils ont choisi Schwarzenegger en effet. Le T-800 en effet donc, est recouvert de peau humaine. C'est pour s'infiltrer parmi les humains, bien sûr, mais donc aussi pour voyager dans le temps. À propos de voyage dans le temps, le film aussi crée de nombreux paradoxes temporels, Laurent Sarfati. Oh ouais, ça n'arrête pas. Mais alors ça, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Alors je sais pas si attention, bouchez vos oreilles. Exactement. Par exemple, le type qu'on envoie, bouchez vos oreilles. Hein, le type qu'on envoie dans le passé pour sauver Sarah Connor va être le père de l'homme qu'il a envoyé dans le passé, John Connor. Donc son fils a envoyé son père dans le passé en sachant qu'il allait féconder sa mère, lui donner la vie et mourir. Et voilà. Alors, est-ce que c'est un paradoxe? Par contre, dans les épisodes suivants, là, vraiment, on revit carrément. Ils envoient des gens un peu plus tôt dans le passé. Où, là, tout se mélange. Ça devient un peu, mais en beaucoup moins maîtrisé, retour vers le futur. Mehdi Achouche. Ouais, je crois que dans le premier, déjà, me semble-t-il, que Kyle Reese explique à Sarah Connor la situation. Il lui explique qu'il vient d'un futur possible, que d'autres futurs sont possibles, et donc il veut changer le futur pour faire advenir un autre futur. Et après, dans les suites, après le deuxième, puisqu'ils ont évité, spoiler alert, ils ont évité l'apocalypse prévue, eh bien, il y a d'autres futurs qui sont possibles, d'autres IA qui voient le jour, et d'autres apocalypses, en fait, à éviter. Donc, notamment dans le 6, on a une nouvelle IA qui, à nouveau, menace, etc. Il y a une idée que je trouve très intéressante dans tout ça, c'est que donc on explore différentes possibilités temporelles, mais dans toutes ces possibilités temporelles, systématiquement, un jour ou l'autre, il y a une IA qui va apparaître et qui va se rebeller contre les humains. Et c'est inévitable. On reviendra justement sur ces fameuses IA. Mais les Terminators, sont-ils donc plus robots, plus cyborgs? Mais dis Achouche, déjà on peut peut-être revenir sur l'origine du terme cyborg. C'est la contraction de cybernétique organisme. Qu'est-ce qu'être cyborg? Eh ben, le terme de cyborg, finalement, il est inventé, popularisé en 1960. C'est un article qui est publié, Cyborgs in Space. Et en fait, les auteurs parlent de l'exploration spatiale. C'est 60, on veut marcher sur la Lune, c'est la guerre froide. Et donc, pour pouvoir marcher sur la Lune, pour pouvoir aller explorer l'espace et les autres planètes, on se dit, le corps humain, quand même, il n'est pas idéal pour ça. L'espace n'est pas son habitat naturel. Et donc, il faudrait pouvoir modifier l'être humain, le corps humain, pour pouvoir s'adapter. Et donc, ils inventent ce concept de cyborg en ouvrant la porte à ce type de perfectionnement. Et donc, comme je le disais plus tôt, dès 1966, on a un film qui s'intitule Cyborg 2087. Ce terme est très populaire et va être à nouveau expliqué en 84. Et là, je pense qu'il devient mainstream à partir de 84 et du premier Terminator. Rodolphe Gélin. Alors, c'est dans la communauté scientifique, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup, les cyborgs. On a des exosquelettes, on a des prothèses, on a des robots. Mais il n'y a pas beaucoup de congrès scientifiques sur les cyborgs. Ben justement, en plus, le terme de cyborg, donc en 84, c'est intéressant, cette coïncidence qui n'en est pas forcément une. Le film Terminator qui popularise le cyborg. Et puis, on a Donna Haraway qui va aussi publier, 84, début 85, son fameux article. Manifeste où, cyborg. Voilà, manifeste cyborg, où elle explique ce que c'est que le cyborg. Elle a une version beaucoup plus féminine et beaucoup plus féministe du cyborg. Mais donc, elle a une version beaucoup plus positive. Hein. C'est pas le cyborg qui va apporter la fin du monde, bien au contraire. Et donc, on a ces deux visions parallèles, concurrentes peut-être du cyborg qui sont popularisées au milieu des années 80, et c'est tout sauf un hasard. Et puis bien avant les années 80, Edgar Allan Poe dans sa nouvelle L'homme qui était refait, 1839, met déjà en scène un homme étrange muni de nombreuses prothèses. Laurence Arfait, il voulait soutenir. Ouais, il me semblait que la définition du cyborg exigeait que une partie du système nerveux soit humain. J'ai l'impression que dans Terminator, sa peau, c'est vraiment juste une sorte de costume en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on voit très bien, il s'enlève un œil et ça change rien pour lui. Il voit pas à travers ses yeux humains. Il voit à travers des capteurs optiques, les trucs rouges qui sont. Oui, je t'en prie. Ouais. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est pas un vrai cyborg, si je puis dire, dans les deux premiers films, puisque finalement, c'est un robot qui se fait passer pour un être humain. Oui, donc c'est un simulacre. Ouais. Voilà, c'est un déguisement en réalité. C'est à partir du 4, à mon sens, dont on parle pas assez, qui est pas si mauvais que ça, où là, on a un vrai cyborg qui entre en scène, on a une vraie thématique et problématique qui est mise en scène et qui est mise en jeu dans ce film. Donc, si je comprends bien, Laurence Arfetti, pour vous, pour être considéré comme un cyborg, il faut un cerveau humain, c'est un humain dans un corps de machine. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut commencer à parler de cyborg même aujourd'hui. Alors, c'est pas le terme qu'on utilise, mais quelqu'un qui a un cœur artificiel ou un membre artificiel commence déjà à... Il tend vers la machine, donc il commence à devenir un cyborg. Allez leur dire ça. Ouais, ils seront pas contents. Il y a une vraie codépendance, quoi. Il y a une vraie codépendance entre l'humain et la technologie. C'est une hybridation, ouais. C'est une hybridation. Parce que je pense également à Robocop. Voilà. Alors, c'est Robocop, c'est carrément le cyborg, puisque c'est Murphy, un pauvre flic qui a pris trop de balles dans le corps et qui est mort. Et donc, on récupère ce qu'on peut, dont son cerveau et un bout de son estomac, et on fout ça dans une machine et il devient un robot. Et puis, surtout, pour en faire un bon flic, on efface son cerveau et on lui donne des directives. Mais dis Achouche, sur Robocop. C'est l'homme soi-disant augmenté, finalement, le cyborg dans Robocop. Là, les choses sont très claires, beaucoup plus que dans Terminator, effectivement. Et là, on assiste au combat de l'homme contre la machine, mais c'est la machine, c'est la programmation, finalement, dont on l'a asservi avec cette programmation, et il doit pouvoir la surmonter et prouver son humanité. Donc, ça devient beaucoup plus subtil, quelque part, que dans le premier Terminator. Alors, à quel moment un homme augmenté devient-il une machine et arrête d'être un humain? C'est un débat qui rejoint des questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait l'humanité d'une personne? Pour introduire cette question, voici un extrait recommandé par vous, Mehdi Achouche. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut programmer. Ce n'est pas un code qu'on entre dans une puce électronique. C'est la force du cœur humain. La différence entre nous et les machines. Faire rage. Le réseau planétaire de Skynet reste puissant. Mais nous n'abandonnerons pas avant de l'avoir anéanti. Ici John Connor, il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons. Mais dis à Chouche, pourquoi avoir choisi cette scène, Terminator 4, la scène de fin? Ben c'est parfait, ben tout est clair, c'est la morale de l'histoire. Quelque part, on avait ce cyborg, c'était un être humain à l'origine qui a été exécuté sur la chaise électrique et qui a été ressuscité, qui a été modifié, qui a été augmenté soi-disant par l'IA et qui a été programmé pour tuer John Connor et pour tuer la résistance, pour les détruire. Or, il a réussi à retrouver son humanité, à surmonter sa programmation et à prouver qu'il n'avait pas juste un cerveau ou un corps, mais également un cœur. Et à la fin, il donne son cœur, le cœur dont il parle, le symbole de son humanité, et il le donne à John Connor pour le permettre de survivre. Donc il est capable d'altruisme. Et finalement, j'ai choisi cette scène parce qu'elle est très représentative du cinéma des années 80 jusqu'à nos jours. Cinéma de science-fiction qui veut définir ce que c'est que l'humain. L'humain, ce n'est pas la machine, ce n'est pas seulement un cerveau, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas seulement la conscience, c'est aussi les émotions, c'est aussi l'altruisme, c'est aussi l'empathie, comme dans Blade Runner. C'est aussi la capacité de se retrouver dans l'autre et de ressentir de la compassion. Passion, pas de vouloir d'exterminer l'autre, mais au contraire de vouloir le sauver. Donc c'est la finitude, c'est la mortalité, et c'est tout ce que le cœur peut symboliser. Donc je trouvais que cette scène finale et ce monologue final était emblématique de ça. Oui, c'est, la machine devient humaine quand elle est capable de faire des choix moraux ou éthiques, quand elle se dote d'empathie finalement, Laurent Sarfati. Moi, la question que je me pose, c'est si on fait suffisamment bien semblant, est-ce que c'est pas faire? Et c'est Alan Turing qui avait proposé ce test pour déterminer si une machine était intelligente. C'est est-ce qu'elle faisait suffisamment bien semblant d'être un humain pour qu'on la confonde absolument avec un humain. Est-ce que si une machine singe parfaitement les émotions, est-ce que c'est pas ça, avoir des émotions? Il faut demander ça aux ingénieurs. Vous souhaitez réagir? Ouais, en tout cas, on voit bien l'évolution entre le premier Terminator. Le Terminator, il est maléfique. Il veut tuer, il veut exterminer, il veut accomplir sa mission et sa programmation. Et où la machine, le robot en général, dans ce film Terminator 4, comme dans d'autres films de science-fiction, est beaucoup plus humanisée, humaine et surtout humaniste, parce que voilà, elle a des valeurs qu'elle est capable de mettre en action et donc de prouver par ses actes qu'elle a des valeurs et qu'elle se soucie de l'autre. Sur l'absence d'humanité, en tout cas des deux premiers volets, hein, James Cameron dit, à propos justement de ces deux premiers opus, pour moi, les deux premiers films parlent vraiment de l'effet déshumanisant de la technologie, d'une société plongée dans la technique sur les humains qui perdent peu à peu leur humanité, leur empathie. Finalement, le personnage de Terminator est représentatif d'une absence totale d'humanité. Mehdi Achouche. C'est ça en fait, c'est cette grande peur qui existe depuis les années 60-70, donc d'être déshumanisé par les machines, notamment par les ordinateurs qui pénètrent vraiment le conscient et l'inconscient collectif à l'époque. Et donc, on essaie de rassurer, on essaie de faire peur, mais aussi de rassurer le public en expliquant, en mettant en scène, donc en mettant en jeu cette confrontation à la machine. Donc la machine, l'ordinateur, il est souvent représenté comme un cerveau. Il y a un film de 1970, c'est Le cerveau d'acier. Et en fait, dans la presse populaire, dès la fin des années 40, on représente les ordinateurs comme des cerveaux. Voilà. Et donc le cerveau, c'est un peu cette idée d'une logique pure, abstraite, la raison abstraite qui ignore finalement tout le côté humain, tout le côté sentimental de l'être humain. Et donc on essaie de montrer que malgré tout, l'être humain va pouvoir survivre et vivre parce qu'on n'est pas que cerveau, on n'est pas que raison, on n'est pas que logique. Rodolphe, c'est très curieux parce que le siège des émotions n'est pas du tout le cœur. Donc c'est très curieux de dire il a gardé son humanité parce qu'il a un cœur. Alors que le problème, c'est que les émotions, aussi bien que la réflexion, elles sont au même endroit. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, bien sûr. Là, de toute façon, c'est pas des films qui cherchent à être si compliqués que ça. Hein. Ils cherchent à faire peur et rassurer le public en utilisant la rhétorique, l'imaginaire que tout à chacun dans la culture occidentale, en tout cas, partage. Et donc souvent dans ces films, comme dans Le cerveau d'acier, on a la machine IA et puis on a son inventeur, qui est plus ou moins un savant fou, en fait, et parfois qui a copié finalement son cerveau dans la machine, et donc finalement c'est son ego, en fait. C'est un scientifique égocentrique qui souvent n'a pas de famille, qui souvent a renié finalement la vie humaine classique, la vie familiale, la vie de tous les jours, les amis, pour se consacrer entièrement à la science. Et ça, traditionnellement, depuis au moins Frankenstein, c'est très mal, c'est condamné par la culture populaire. Et je trouve que c'est très bien de voir justement qu'il y a le même objet, Terminator T-800, qui est méchant dans le premier et gentil dans le deuxième. On voit que ce ne sont que des outils et dont le comportement dépend que de la programmation. Voilà, ça, il le dit clairement, le T-800 dans Terminator 2, j'ai été reprogrammé. Voilà, tout simplement. Finalement, on apprend, c'est ça qui m'avait marqué moi à l'époque, on peut simplement appuyer sur un bouton apparemment et reprogrammer la machine et elle devient notre allié. Donc ça, c'est un message fondamental, effectivement. Laurent Sarfati? D'un point de vue scénaristique ou littéraire, quel que soit le monstre, la créature, l'ennemi, à chaque fois, c'est un miroir de nous-mêmes. Et ces robots, exactement comme dit James Cameron, ce qu'ils incarnent, c'est la peur que ces technologies nous transforment en robots, fassent de nous des gens, robotisés. C'est valable pour tous les monstres. Un vampire, ça va parler d'autres thématiques, les zombies, etc. En tout cas, sur ce que vous venez de dire par rapport à, justement, à la reprogrammation du T-800, c'est aussi quelque chose scénaristiquement qui est intéressant, parce que la relation ado-cyborg est au cœur du Terminator 2. Mais oui, moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, finalement, parce que Schwarzenegger, c'est le père de remplacement de l'adolescent. Et donc, il y a une relation paternelle qui s'établit avec une machine, avec un robot. Et moi, c'est la première fois que j'avais vu ça. Et j'étais très touché. J'avais l'âge, plus ou moins, du personnage. Moi, j'avais 11 ans quand j'ai vu le film. Et donc, j'étais très touché par cette idée qu'un robot peut être notre père. Et c'est presque un père idéal, quoi. Parce qu'il est cool sur sa moto avec ses lunettes de soleil. il le protège. Voilà. Il le protège. Il lui enseigne des choses. Donc, finalement, on peut apprendre de la machine et on peut s'humaniser comme le préadolescent Kyle Reese grâce à la machine. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Parce que, quand même, le thème de la machine intelligente qui s'humanise, c'est une thématique courante dans la culture populaire au cinéma. C'est courant, mais ça n'était pas tant que ça encore à l'époque au cinéma hollywoodien. Donc autant le film de 84, c'est encore un film des années 70, L'homme contre la machine, point barre, autant celui de 91, déjà on sent que les années 80 sont passées par là, que Tron est passé par là, que d'autres films sont passés par là, et que maintenant on est capable d'envisager, d'imaginer un robot, un androïde positif, gentil, tel un enfant ou tel même un papa. Laurence Arfati. Et après, on va avoir des extraterrestres gentils avec E.T. aussi. Voilà, c'est le même mouvement. Ouais, exactement. On revient sur les craintes. Hein. Quelles craintes fantasmées que les robots et les algorithmes suscitent chez nous et comment la franchise les exploite. Une IA pourrait-elle vraiment finir par briser ses chaînes? Et à partir de quand une hypothétique machine intelligente deviendrait-elle suffisamment performante pour être considérée comme humaine? Restez à l'écoute. Direct sur France Culture, les Guns N' Roses qui ont composé You Could Be Mine en 1991, le titre phare du deuxième Terminator, car nous fêtons les 40 ans du premier opus sorti en 1984. Un anniversaire que l'on fête en compagnie de nos trois invités. Laurence Arfati, scénariste, notamment co-scénariste du déjà culte Mars Express avec Jérémy Perrin, Mehdi Achouche, maître de conférences en cinéma anglophone et études américaines à l'université Sorbonne Paris Nord, et Rodolphe Gélin, expert leader en intelligence artificielle chez Renault Group, anciennement roboticien, directeur de recherche chez SoftBank Robotics. On a beaucoup parlé en première partie du cyborg, Android ou pas, mais Skynet quand même, on n'en a pas encore parlé, Rodolphe Gélin, c'est quand même le méchant ultime imaginé par James Cameron. Oui, et qui sort de nulle part. Pour moi, c'est la grande faiblesse de tous les films de science-fiction, c'est Voilà, donc on part du fait que l'intelligence artificielle est méchante et qu'elle veut détruire l'humanité. À partir de ça, on bâtit des trucs formidables. Mais voilà, ce point de bascule, alors on va dire que c'est la singularité, certes, mais on peut toujours dire ça, mais voilà, pour les gens qui développent de l'intelligence artificielle, la singularité, c'est un peu dur de comprendre comment on va en arriver là. La singularité, Laurence Sarfati. Alors c'est dans la mythologie de la cybernétique et du transhumanisme, c'est un moment où une machine est capable de faire une machine plus compliquée qu'elle-même, plus performante qu'elle-même. Et à ce moment-là, on estime qu'on ne sera plus capable de prévoir ce qui va se passer et surtout que l'humain va être très très très vite complètement dépassé. Mehdi Achouche. Ouais, il faut rappeler simplement que Skynet, finalement, ça commence dans le cinéma hollywoodien en 1964. On a deux films qui sortent à quelques mois d'écart, notamment Docteur Follamour. Et en fait, finalement, l'objectif de ces films, c'est pas encore parler d'intelligence artificielle, mais de l'automation de la défense militaire. Qu'est-ce qui se passe quand on confie à une machine ou des machines la défense, notamment nucléaire, du pays? Il se passe pas des choses très bien. Donc, il y a la fameuse machine infernale de Docteur Follamour qui est automatisée et qui va exploser automatiquement dès que quelque chose se produit et les êtres humains ne peuvent pas l'empêcher. Et aussi, dans Point Limite, Fair-Safe avec Henry Fonda, même année, on a un développement scénaristique plus ou moins similaire. Et donc Skynet, c'est ça aussi. Et dans Le cerveau d'acier dont je parlais, 70, c'est encore ça. Donc, automatiser, c'est mal, et automatiser la défense, confier à une machine la défense du pays, on peut penser aux drones notamment aujourd'hui, c'est une très très mauvaise idée. Oui, puisque, en effet, la problématique et la peur des armes automatisées, c'est toujours d'actualité, Laurence Sarfati. Mais, toute l'astuce, on a un spécialiste ici qui pourra sûrement nous le confirmer, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'automatiser. Si on veut faire une voiture qui est autopilotée, à un moment, il y aura forcément un accident où cette machine devra choisir entre tuer une personne ou deux personnes, donc elle devra prendre la décision de tuer. Rodolphe Gélin. Alors, ça, c'est un cas très, très théorique. Hein. Ah, c'est théorique. On se fait vraiment plaisir avec ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Les problèmes posés par la véhicule autonome sont pas du tout de cet ordre-là pour l'instant. Ah bon, d'accord. Le jour où on en sera là, à dire est-ce que j'écrase une vieille dame ou un petit garçon, on aura fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Hein, et en fait, ce qu'on dit en général, c'est que les voitures autonomes seront tellement prudentes, respecteront tellement le code de la route qu'elles se trouveront jamais dans cette situation. Enfin, voilà. Et je pense même qu'un des trucs qui déplaira dans les voitures autonomes, c'est qu'elles rouleront toujours à 10 à l'heure, elles respecteront scrupuleusement les limitations de vitesse. Dès qu'il y a un doute, elles ralentiront. Et je sais, moi, j'ai roulé derrière une navette autonome, c'est pénible parce qu'elle se traîne. Et c'est... Faut vraiment avoir de grands besoins, des problèmes de mobilité pour monter dans un truc comme ça. Mais là, vous me parlez de risque zéro. Je dis que les risques, ils seront pas ceux-là. Il y aura le fait d'avoir à choisir entre écraser une personne ou deux personnes, c'est un problème moral intéressant. Mm-hmm. Donc on peut en discuter. Je suis très ouvert à la discussion. En revanche, c'est pas un problème qui se posera de sitôt aux voitures autonomes. Et la réponse est et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà. Et pourquoi on voudrait qu'une machine soit plus clairvoyante qu'un être humain? Voilà. Et en fait, la machine, on va lui apprendre dans ces cas-là ce qu'il faut faire. Mmh. Et elle fera que ce qu'on lui aura appris. Je reviens sur mon Skynet, parce que néanmoins, la crainte aujourd'hui des armes automatisées, c'est une crainte qui est toujours actuelle en 2024. Alors c'est une crainte, c'est normal que les gens aient peur. Maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, les robots, les drones sont très autonomes, mais il y a quand même toujours quelqu'un qui leur a donné une mission. Et le responsable, c'est toujours celui qui donne la mission. Après, il peut y avoir des bugs, ça peut ne pas bien se passer, mais c'est pas la machine qui dit tiens, je vais pouvoir faire ce qu'on m'a demandé, je vais faire autre chose. Juste, alors je vois que tous les deux vous avez envie de poser plein de questions. Moi aussi, j'en ai pour Rodolphe Gélin. Mais justement, pourquoi l'autonomisation d'une IA, c'est pour l'instant encore du fantasme? Parce que ça n'est pas un objectif souhaitable. Dire c'est on pourrait inventer une machine qui fait ce qu'elle veut, mais quelle en serait l'utilité? Qui fabriquerait un truc comme ça? Qui ferait une machine dont qu'on maîtrise pas? Et voilà, quand on fabrique des objets, c'est pour rendre un service. Et si cet objet il refuse de rendre le service qu'on rend, c'est encore une fois la fin du film Heure. Quand l'intelligence, moi j'ai aucun scrupule à spoiler Heure parce que sa caractéristique, ça va bien au-delà de l'histoire elle-même. Je suis d'accord. Et donc, à la fin, l'IA qui est là pour s'occuper de son client, à la fin, elle dit non, en fait, moi, ça m'amuse plus de parler avec un être humain, je vais aller parler avec d'autres intelligences artificielles. Vous imaginez bien que celui qui a vendu ce produit, comment il va devoir tout rembourser. Donc, ça peut pas exister, des choses comme ça. Mais Mehdi Achouche, vous souhaitiez faire un commentaire? C'est simplement que souvent dans ces films, malgré tout, il y a l'inventeur, le concepteur qui est derrière, et que souvent, finalement, la critique, elle porte sur lui, surtout, en fait. C'est que il a transféré son ego démesuré, il a transféré sa fameuse hubris scientifique technologique, et on a toujours une scène où le scientifique explique, vous inquiétez pas, c'est fail safe, comme le titre du film l'indique. Tout ça ne peut pas, créer un bug, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Et moi, je suis Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est le syndrome de Dieu Tout-Puissant qu'on critique très souvent chez les scientifiques, à travers l'IA. Laurence Arfati? Moi, je vois très bien l'avantage que ça présente d'avoir une arme qui est capable de prendre des décisions et de prendre la décision de tuer. Et je pense que les gens qui achètent des armes voient aussi très bien l'avantage que ça a d'avoir des soldats automatisés qui n'ont aucun scrupule et qui vont obéir à l'ordre. Qui n'ont aucun scrupule, oui, mais qui, c'est pas eux qui décident de leur mission. Il me semble qu'il y a déjà eu, il n'y a pas très longtemps, des armes, des missiles ou des drones qui ont pris la décision de tuer telle personne. Parce que ça faisait partie de leur base de règles. Oui, exactement. Ouais, c'est les règles qu'on leur a données, on leur a dit, si t'as l'occasion, voilà. Mais les règles, elles viennent d'un être humain. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mmh. On dit bien sûr, mais c'est ça qui inquiète les gens, c'est que la machine va décider par elle-même. Elle décide par elle-même en fonction de règles qu'un être humain lui a données. En fait, ce qui inquiète les gens, c'est les humains. Exactement. Mais d'ailleurs, par rapport justement aux humains et à ces machines, on peut parler, Rodolphe Gélin, de l'AI Act, qui est une réglementation européenne qui vient tout juste d'être votée par le Parlement européen, mercredi 13 mars. En fait, certaines applications de l'IA sont interdites. Oui, donc cette réglementation, alors d'aucuns vont dire une réglementation de plus, ça va nous empêcher d'innover, mais en même temps, ça pose des bases justement pour rassurer les gens. Il y a des applications de l'IA qui sont interdites, le contrôle sociétal, la manipulation. Après, les gens peuvent toujours faire des choses interdites. Hein. Et puis après, pour des IA qui sont permises mais au risque, il y a des conditions pour le développement, il y a des critères, il y a des propriétés qu'on doit vérifier avant de mettre une IA dans la nature. Donc on a une tentative là de dire, et puis surtout, un des points très importants de la IA, c'est de dire, il y a toujours un homme qui est responsable du comportement d'une IA. Mais c'est ça, ce sont les humains qu'on réglemente à travers l'AI Act et non les IA. Exactement, les IA, ça ne sont que des machines, c'est que de la programmation, donc il y a des règles aujourd'hui pour programmer même une informatique qui n'est pas de l'IA, pour peu, par exemple, l'IA, l'informatique qui va freiner à votre place dans une voiture, qui va contrôler l'allumage, tout ça, c'est critique, et donc il y a des règles pour faire cette programmation informatique. Même si elle n'est pas IA, il y a le même type de règles qui va arriver pour faire de l'IA. Si vous voulez faire de l'IA sur les systèmes critiques, il y a des règles à respecter. Parce que le postulat de base de la franchise de Terminator, c'est une IA qui finit par se rebeller, ce qui aboutit au soulèvement des machines. Ça, Rodolphe Gélin, finalement, ce sont des idées contre lesquelles vous luttez, parce que c'est de la pure science-fiction. Exactement. Alors, je ne lutte pas parce que j'aime les films de science-fiction, mais je lutte contre cette idée. Pour moi, en fait, Terminator, c'est un peu le point Godwin de la robotique, en fait. Quand vous dites que vous faites de la robotique, ah ouais, mais Terminator, voilà. Et donc, les gens disent, tu fais de la robotique, donc t'es un salaud, parce que tu vas vouloir... Donc, c'est terrible. Pour nous, Terminator, ça a été une catastrophe pour les roboticiens, parce que c'est le début de la fin. En fait, ça a incarné le mal absolu dans la robotique. Donc, heureusement, il y a eu la suite, mais les gens ne gardent que l'épisode 1 en tête. Et donc, en effet, voilà, faut bien que les gens aient en tête que l'IA, c'est un outil et qu'il y a des gens qui sont responsables derrière et des gens qui sont plus ou moins recommandables. Ça, c'est ah oui, justement, c'est de ça dont j'allais parler, parce que Terminator, c'est une chose, mais 3 ans après, il y a Robocop, premier du nom, qui sort. Et Robocop, c'est OCP, c'est une société privée qui veut faire des profits, qui veut faire de l'argent. Et eux, les règles, les règlements, les actes qui sont passés par le Parlement de européen, ça les intéresse pas vraiment, en fait. Donc, il y a cette défiance dès les années 80 et les années 70 même déjà, des corporations, des compagnies qui sont derrière et qui veulent faire de l'argent grâce à ça. Plus se méfier du grand capital que de la grande robotique. Ouais. Laurence Arfati. Dans la mythologie cyberpunk, il y a une phrase qui revient qui est « Code is law ». Et dans Robocop comme dans Terminator, dans Robocop c'est plus visible, il y a des lois, sauf que comme les entreprises qui programment les robots qui vont devenir policiers ont la main sur le programme de ces robots, et ben ils peuvent transgresser la loi puisque le programme leur appartient. Et tout le danger, c'est savoir qui programme la machine, quoi. C'est exactement ça, en fait. Le cyberpunk années 80, c'est ce courant de science-fiction qui, au lieu de dire la machine c'est mal, c'est l'ennemi, dit on peut reprogrammer, on peut détourner la machine, la technologie qui est brevetée par les compagnies japonaises ou américaines, et on va en faire quelque chose qui va prendre le parti de nous, de la rue, des pirates. C'est le pirate informatique qui devient le nouveau héros de cet imaginaire. Laurent Sarfati. Et tout le problème, c'est que je sais très bien qu'on soit conscient en Europe que les IA, c'est une bonne idée de les réguler, mais c'est vaste la planète Terre et il y a plein de gens qui vont pas faire ça, c'est sûr. La solution, elle a été trouvée par Kyle Reese en 91 quand il reprogramme le Terminator. Il lui demande de tirer dans les genoux des policiers. Voilà, tout est dit. Rodolphe Gélin, ce que vous nous racontiez en off, comme on dit, pour la préparation de cette émission, vous disiez que les gens commençaient à avoir peur de l'IA bien avant qu'elle ne devienne dangereuse. Et ça, c'est au film de SF qu'on le doit. Oui, je crois que cette inquiétude qu'on voit, voilà, au début, l'IA, ça reconnaissait un pot de yaourt et puis une pomme. Donc, personne ne pouvait vraiment avoir peur d'une IA qui faisait des trucs pareils. Et en revanche, il y a une projection des gens qui ont du talent, des artistes qui ont dit « Ouais, mais si un jour ça fait ci, ça fait ça, ça va être... » Et donc, on a vraiment... Et c'est comme les robots, quoi. Les gens ont eu peur de cette technologie avant qu'elle existe. Et ça, je crois que c'est la seule technologie qui a fait ça, quoi. Qui était décriée avant même qu'on l'ait fabriquée. Didier, mais comme quoi, c'est intéressant de voir que Samuel Butler, quand il avait écrit Erewhon, donc c'est année 1860-1871, début année 1870, je crois, où il prévoit, c'est satirique, mais il imagine une société qui est dominée par les machines, où elles ont pris le pouvoir. Et donc, il n'y a plus que des machines qui dominent cette société qui est cachée quelque part sur la surface de la Terre. Et donc, on est en pleine révolution industrielle. On est entouré, voire encerclé de machines. Donc déjà, en fait, on a cette idée de machines partout qui nous entourent. Donc, quel est notre rapport à la technologie? Et avant d'imaginer qu'on pourrait peut-être devenir cyborg, donc vivre en codépendance avec elle de façon plus ou moins harmonieuse, on imagine avant tout le conflit, le clash. Et aussi parce qu'il y a Darwin qui a publié son livre à l'origine, l'origine des espèces. Et donc, on imagine, les machines, peut-être, ça peut être finalement une espèce qui va nous concurrencer. Donc, on a cet imaginaire darwinien, darwiniste, qui est au cœur de cette proto-science-fiction. Laurent Sarfati. En fait, il y a énormément de technologies qui ont généré des trouilles monumentales, et je crois que ça date de toutes les technologies. On peut penser au nucléaire très très vite, ou au vaccin, aux manipulations génétiques. Mais on arrive à un tel niveau de technicité qu'on commence à quand même faire des choses dangereuses. J'ai vu une conférence où une spécialiste de l'éditeur génétique CRISPR-Cas9 qui expliquait on pourrait fabriquer par exemple une souris mâle qui fasse que sa descendance soit systématiquement des mâles et que à terme il n'y ait plus de souris puisque à force de faire des mâles il n'y aurait plus de femelles. Oui, et je crois que l'IA, moi personnellement en tant que scénariste je me sens en danger par l'IA. Ça m'étonnerait vraiment pas, et même je l'attends, qu'une IA soit meilleure que moi. C'est-à-dire que moi je travaille aujourd'hui avec des IA, elles sont rigolotes effectivement. Elles font l'équivalent en scénario de déplacer des yaourts et des oranges, mais ça m'aide déjà. À mon avis, d'ici 5 ans, je l'utiliserai énormément, et d'ici 10 ans, c'est elle qui m'utilisera. Moi, mes étudiants utilisent déjà l'IA pour écrire leurs essais, donc. Rodolphe Gélin. Ouais, mais voilà, tout ce qu'il voit, c'est le germe qu'on apporte, quoi. Est-ce que le mérite du scénariste, c'est de rédiger les phrases les unes derrière les autres, ou est-ce que c'est de trouver les ressorts dramatiques originaux? Bon, ça, c'est quand même pas demain la veille. Je pense que on pourra en arriver là. France Culture, la science CQFD. Ne dépassez pas le 100 à l'heure. Il ne faut pas se faire arrêter. Affirmatif. Natacha Triou. Non. Il va falloir d'abord que t'apprennes à parler. Et si un type s'énerve, tu dis comme ça. Reste cool. Tu peux aussi faire des combinaisons. Reste cool. Sac à merde. C'est super. Tu vois que ça rentre. No problemo. Voilà, en direct sur France Culture avec Laurent Sarfati, Mehdi Achouche, Rodolphe Gélin. On parle de Terminator et de ses 40 ans. Là, à l'instant, Rodolphe Gélin, on entend l'apprentissage par renforcement du T-800 dans le deuxième film. Exactement. Et ça, j'adore ça. Parce qu'en effet, on montre que c'est des machines qui ont une programmation de base. Et avec l'interaction avec l'homme, il va apprendre à mieux se comporter. Et ChatGPT, il a fait ça aussi. Au début, il répondait un peu n'importe quoi. Et puis petit à petit, il y a quand même des hommes à la fin qui sont venus dire ça, c'est des bonnes réponses, ça, c'est pas des bonnes réponses. Ça l'a cadré. Et il a appris à répondre correctement. Exactement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point qui est super dans le deuxième Terminator, de voir cette façon dont il apprend. Et on voit aussi qu'il apprend de façon complètement sans âme, quoi. Donc il va dire ce qu'on lui dit de dire, parce qu'on lui a dit de le faire, mais pour lui, c'est pareil que de dire affirmatif, quoi. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en s'appropriant des comportements humains, on voit que la machine devient plus acceptable. Absolument. Et c'est un des points sur lesquels nous, quand on faisait des robots humanoïdes, là, avec Aldébaran, on cherchait tous ces petits trucs qui faisait que cette machine allait être autre chose qu'une machine. Alors, il y a son apparence physique, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du robot Nao qui était très très mignon, et puis aussi lui donner des petits comportements, et notamment, un des points qu'on avait imaginé, c'est que quand le robot... Qu'est-ce que fait un robot quand il ne fait rien ? Oui, voilà. Un robot sans mission, c'est voilà. Possible. Donc un robot qui ne fait rien... Voilà, c'est dommage que ça soit une statue, quoi. Et donc, on l'avait fait respirer. Donc, il avait des petits gestes qui servaient à rien, mais qui montraient que il était, entre guillemets, vivant. J'ai honte de dire ça, mais voilà, qu'il était toujours à l'écoute et qu'il n'était pas éteint et qu'il était. Donc, c'est tout ça va participer à l'acceptabilité de cette machine parce que elle montre comme ça que tel un être humain, elle est disponible, elle est à l'écoute. Et d'ailleurs, par rapport à ce robot sans mission, on voit dans le sixième film, Mehdi Achouche, voilà, on récupère un T-800 qui a plus de mission pendant 20 ans, qui est livré à lui-même, il est parmi les humains pendant tout ce temps. Un robot sans mission. Voilà, un robot sans mission, donc il se pose des questions et il se cherche une nouvelle mission et finalement il va décider, et ça c'est un cas classique finalement dans le cinéma hollywoodien, il va décider de vivre parmi les humains et de devenir lui-même humain et de devenir lui-même père de famille. Du coup, il a sa propre famille et il boit des bières et il a du ventre, etc., comme nous tous. Donc il a atteint finalement l'humanité par sa finitude et par son désir finalement de s'intégrer et d'être comme tout le monde. Et ça c'est une évolution qui est intéressante également. Le film est loin d'être un chef-d'œuvre, mais cette évolution du personnage, elle est assez intéressante. Là, j'évoque en effet le sixième film, et maintenant, en 2024, aujourd'hui, Laurence Arfati, selon vous, quel est l'héritage majeur de la saga Terminator ? Voilà, c'est pas un héritage majeur, c'est Terminator est un héritage majeur. Enfin, voilà, dans le panthéon de la science-fiction, des bons films de science-fiction, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas hasard si ça a été très difficile de faire des suites réussies. Mais quand on sort de Alien, Aliens, Blade Runner, Terminator, Robocop, The Thing... Bah d'ailleurs, on constate avec les Matrix, par exemple, qu'ils ont un peu le même parcours. Le premier, il est très binaire et manichéen, c'est l'homme contre la machine. Et à partir du 2, on commence à évoquer la nécessité de composer avec les machines, de trouver un compromis. On explique à Neo que Sion fonctionne grâce à des machines et que finalement, on peut aussi les reprogrammer. Donc c'est souvent les suites, finalement, qui cherchent un peu à nuancer le propos. Mais c'est souvent le premier opus, effectivement, dont on se rappelle surtout. Et c'est surtout le schéma classique, le schéma simple et simpliste de l'homme contre la machine qui, malgré tout, refait surface le plus facilement. Laurence Arfati. Matrix, qui est clairement un enfant de Terminator. Ouais. Puisque vraiment, on reprend la même histoire, la lutte de l'homme contre la machine, les hybridations, et puis voilà, l'intelligence artificielle. On n'a pas encore évoqué les chroniques de Sarah Connor, deux saisons, 31 épisodes diffusés aux États-Unis entre 2008 et 2009, Laurence Arfati. Bah, je les recommande. Elle n'apporte rien de particulier à l'écosystème de Terminator, mais là où c'est assez remarquable, c'est que autant le Terminator 2 est une grande réussite, autant à partir de Terminator 2, ça ne fait que décliner. Et finalement, c'est une série qui a réussi à reprendre le flambeau de l'histoire. Il y a un truc qui est touchant dans Sarah Connor Chronicles, c'est que le Terminator, là, ça va être une charmante jeune fille. Et ça change un peu tout. Ouais, c'est très intéressant quand on compare à Terminator 3, qui, la seule idée créative qu'il peut avoir, c'est faire du Terminator une femme, une Terminatrix finalement, mais qui a peu d'intérêt finalement dans les chroniques de Sarah Connor. Là, ça devient beaucoup plus subtil. Alors moi, je dois reconnaître qu'à l'époque, j'avais pas accroché parce que c'est vrai que j'attendais à quelque chose de plus similaire à Terminator, un film d'action beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre. Or, c'est pas du tout le cas. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est tant mieux. Ouais, ça parle d'adolescence. Ça parle d'adolescence. Donc, on s'attend pas à ça dans Terminator, mais au final, c'est enfin quelque chose de nouveau dans la franchise Terminator. On arrive à la toute fin de cette discussion. Vous êtes très humble, Laurence Arfati, parce qu'en effet, quand même, dans Mars Express, il y a un plan hommage. Hein. On voit qui saute aux yeux, hein, avec une scène de poursuite et un T-1000 qui court pareil. Juste pour conclure très rapidement, Rodolphe Gélin, du côté, pareil, des roboticiens, l'invention géniale, quand même, du robot hybride, mi-liquide, mi-solide. C'est aussi ça. Ça, j'aimerais bien qu'on y arrive, hein, parce que là, c'est vraiment un saut quantique dans une techno que moi, j'en ai pas vu le début de. Alors, on commence à avoir des robots qui se reconfigurent un petit peu, mais à ce niveau-là, c'est surtout une trouvaille visuelle incroyable. C'est génial, c'est magnifique. Il y a énormément de trouvailles visuelles qu'ils apparaissent à poil. C'est une idée visuelle. On est arrivé à la fin de cette discussion. Comme chaque jour, on retrouve la chronique avec science dans quelques secondes. Mais avant, j'invite nos auditeurs à vous lire Rodolphe Gélin avec Dernière nouvelle de l'intelligence artificielle parue chez Flammarion. Et puis si vous êtes de passage à Paris, il y a la rétrospective L'art de James Cameron qui ouvre ses portes aujourd'hui à la Cinémathèque française. C'est jusqu'au 25 janvier. Merci à vous trois. Merci. Hasta la vista, baby, comme dit. C'est la chronique avec science. Comment l'observatoire Vera Rubin va-t-il scruter le ciel? Vera Rubin, du nom d'une immense scientifique à l'origine de la théorisation de la matière noire, une masse qui n'émet aucune lumière, aucun rayonnement et qui est donc par définition invisible et pourtant, sans elle, les lois de la physique de l'univers ne tiendraient pas. Vera Rubin n'aura jamais le prix Nobel, elle est décédée en 2016, mais son nom perdurera à jamais en astrophysique et c'est pour ses travaux pionniers que ce nouvel observatoire, bientôt en fonction, a été renommé. Il s'appelait initialement le LSST, qu'on peut traduire par Grand Télescope de Relevé Synoptique. Alors synoptique, ça veut dire qu'il donne une vue générale. Et la vue générale qu'on veut obtenir avec l'observatoire Vera Rubin, c'est celle du ciel. Son télescope va effectuer des relevés astronomiques, c'est-à-dire scanner le ciel étoilé chaque nuit. Pierre Antilogus est responsable scientifique du projet LSST France et chercheur CNRS à l'IN2P3. Dans l'astronomie, il y a eu ce qu'on appelle le survey astronome, c'est-à-dire effectivement ce besoin de faire une cartographie exhaustive de ce qu'il y a à voir. Ça a vraiment commencé au début des années 2000 de façon très forte. Il y a deux projets, un nord-américain SDSS qui a fait une cartographie comme ça, mais d'un univers plutôt proche, sur des surfaces plutôt petites. Et il y a eu aussi au niveau français, entre autres, le CFHT, qui est un télescope qui est à Hawaï, qui a aussi fait au début des années 2000 un survey, une mesure d'un grand volume d'univers, mais qui reste très petit par rapport aux objectifs de l'LSST. Et en fait, à cette taille-là, c'est une première. C'est vraiment le plus gros. C'est-à-dire qu'il va faire un relevé de la totalité de la voûte céleste pendant plusieurs années, 10 ans en l'occurrence. Et l'objectif, c'est de faire une cartographie complète de ce qui est visible, disons, depuis le sol. Grâce à cela, l'observatoire pourra répondre à de grandes questions de l'univers, mieux comprendre la matière noire bien sûr, mais aussi la nature de l'énergie sombre. Elles partagent toutes deux leur goût pour l'obscur, mais elles n'ont en réalité pas grand-chose à voir. L'énergie sombre est impliquée dans l'accélération de l'expansion de l'univers, alors que la matière noire perturbe, elle, la rotation des galaxies. Mais elles sont essentielles à la compréhension du monde qui nous entoure. Un chiffre pour s'en rendre compte, matière noire et énergie sombre forment 96% des constituants de notre univers. Le reste, c'est 4 tout petits pourcents. C'est ce qui est palpable autour de nous. Une tasse, une table, une chaise, notre planète, les étoiles, autrement dit rien. Et pour répondre à ces questions, il y a un instrument central de l'observatoire Vera Rubin, c'est sa caméra, la plus grande caméra du monde pour une cartographie express. Chaque nuit, cet engin sera chargé de scanner 8000 degrés carrés, soit 1/5 de la voûte céleste. C'est du jamais vu, aucun observatoire n'est à présent équipé pour couvrir autant de ciel visible. Et donc l'enjeu de la caméra LSST, c'est d'être rapide et précise. Elle doit pouvoir lire ces images très rapidement parce qu'en fait, LSST, en une nuit, il doit faire 800 pointés. Donc, si on commence à faire les mathématiques, c'est un pointé toutes les 40 secondes. Donc, ça, c'est très rapide. Et en fait, pour un pointé, il y a deux images qui sont prises. Un système électronique, astronomique, ne peut pas être lu très rapidement, par définition. Il faut, en général, une vingtaine, 30 secondes. Et si on passe 20, 30 secondes à lire une image, ben, ça sert à rien d'avoir conçu un grand observatoire si on passe la moitié du temps à rien faire et juste à faire fonctionner de l'électronique. Et donc, il y a eu une contrainte en particulier très forte sur la vitesse de lecture. Et ça a eu des contraintes sur cette caméra qui sont assez uniques. Donc, cette caméra a 3,2 milliards de pixels. Et ils sont lus en parallèle, simultanément. Ça fait des débits très importants au moment de cette lecture, qui est très courte, qui dure 2 secondes. L'autre contrainte forte, c'est au niveau de la mécanique qui est associée à cette caméra. Donc, il y a un capteur optique, mais aussi il y a des filtres. Donc, les filtres permettant de sélectionner la couleur des objets, donc de pouvoir distinguer les objets rouges qui sont donc très lointains, qui s'éloignent de nous très rapidement, des objets bleus qui sont proches. La caméra a commencé ses prises de vue en 2020 avec un rythme intensif depuis l'année dernière. Elle vient tout juste d'être déclarée apte au service. Elle va donc rejoindre le site de l'observatoire dans la Cordillère des Andes au Chili, une région montagneuse où de nombreux autres télescopes sont déjà disposés. Son installation est prévue pour mai prochain avec des premières captations de lumière attendues pour le printemps 2025. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maillet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger.